franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la crise des intermittents du spectacle en 2003. Dans la nuit du 26 au 27 juin de cette année-là, un nouvel accord modifie les règles pour accéder au régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et aux techniciens du spectacle. Il entraîne un vaste mouvement de grève dans le secteur de la culture. Paroxysme de cette crise, l'annulation du Festival d'Avignon, le IN, comme on dit, là où jouent les stars, et un OFF amputé de la moitié de ses spectacles, au moins, alors que lui aussi fait battre le cœur du festival. Une première historique depuis la création de l'événement en 1947. Même en 68, le fondateur Jean Villard avait tenu bon, malgré la tempête. Au début de l'été, tous les regards se sont tournés vers la Cité des Papes. Car il faut bien comprendre ce que l'événement représente. Le Festival d'Avignon est considéré comme le plus grand rendez-vous du spectacle vivant au monde. Alors, comment pouvait-il échapper à un tel mouvement de contestation? Mais sur place, artistes et techniciens sont divisés sur les actions à mener. Faut-il tout faire pour annuler le festival au risque de pénaliser ceux qui ont besoin de jouer pour vivre, voire survivre? Ou faut-il jouer et profiter justement de cette tribune pour se faire entendre? Le clivage est profond, il va bousculer les événements de ce mois de juillet. Se pencher sur cette crise des intermittents en 2003, c'est aussi réfléchir à la place qu'occupe la culture dans notre société. Ce régime, symbole de l'exception culturelle française, a été créé, rappelons-le, par le Front Populaire il y a près de 80 ans. Après le récit, nous recevrons Éric Lacascade, comédien et metteur en scène. En 2003, il était programmé dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Il a pourtant voté la grève. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Justin Morin avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Théo Gomard. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Avignon, 10 juillet 2003. Il est un peu plus de midi. Une clameur inhabituelle s'échappe du cloître Saint-Louis. Dans la cour carrée, au milieu des arcanes du XVIIe siècle, des centaines de personnes s'impatientent. Des artistes, des techniciens, des journalistes et des touristes, bien sûr. De nombreux touristes privés de spectacle depuis 2 jours, depuis l'ouverture officielle du festival. Pourtant, aucun des acteurs ne manque à l'appel. Non, tout le monde est là. Le soleil, la légère brise qui nous aide à supporter la chaleur étouffante du mois de juillet, les murs recouverts d'affiches à outrance et les senteurs de Provence jusqu'au milieu de la ville, une ambiance unique. Dans la cour d'honneur du Palais des Papes, la scène attend ses comédiens. Tout est prêt pour le grand spectacle. Oui, mais à un détail près, cette année, Avignon accueille une nouvelle protagoniste, la grève. Oh, ça fait longtemps qu'elle avait prévenu, mais personne ne pensait qu'elle rallierait autant de monde. Depuis 2 jours, depuis l'ouverture officielle du plus grand festival de théâtre au monde, c'est bien elle qui est sous les feux de la rampe et toutes les représentations ont été annulées. Ainsi, dans la cour du cloître Saint-Louis, la foule s'impatiente. On reconnaît Ariane Mnouchkine, ici le fougueux Bartabas. Dans son nouveau spectacle, il met en scène des moines tibétains qui ont exceptionnellement déserté leur montagne sacrée pour venir se confronter au public avignonnais. Au centre de la cour, installée entre les 4 platanes centenaires, se tient une petite estrade sur laquelle se tiennent quotidiennement les conférences de presse. Cette année, on y a surtout débattu de l'avenir de cette édition 2003 déjà bien galvaudée. Il flotte un air de révolution. Les regards sont anxieux. C'est alors que surgissent un homme et une femme, et l'inquiétante clameur disparaît. Seules les cigales insouciantes continuent de chanter. Le couple fend la foule pour aller prendre place derrière les micros positionnés sur l'estrade. L'un et l'autre ont le visage des mauvais jours, la tête basse, les yeux cernés. Lui, c'est Bernard Fèvre d'Arcier, le directeur du festival. Elle, c'est Christiane Bourbonneau, la directrice administrative. Tous les deux le savent, ils portent le poids d'une décision historique qui scelle une tragédie débutée il y a plusieurs jours à Avignon. Ce 10 juillet 2003 donc, il est midi 14. Bernard Fèvre d'Arcier prend la parole, le rideau tombe. Bon, je crois que tout le monde attend un peu cette déclaration depuis longtemps. Nous avions tenu à garder le silence pour examiner vraiment toutes les possibilités, Christiane Bourbonneau et moi. Donc maintenant, effectivement, je peux, hélas, annoncer que le 50e festival n'aura pas lieu cette année 2003. Ce 57e festival est clos. L'assemblée est à Pazourdi. Il y a des larmes, il y a des cris. On pouvait s'y attendre après tant de péripéties, mais au fond, chacun conservait l'espoir d'une fin heureuse, d'une fin à l'américaine. Vous savez, où l'on trouve toujours une issue, in extremis. Malheureusement, la réalité sociale à la française se moque bien des stéréotypes. Jamais cela ne s'était produit depuis la création du festival en 1947. Pour Fèvre Larcier, cette décision est un crève-cœur. Après 9 ans de bons et loyaux services, l'homme âgé de 59 ans a déjà annoncé qu'il partirait à l'issue de cette édition 2003. Ainsi, quitte-t-il Avignon sur cette déclaration tragique. Il vient surtout d'écrire une nouvelle page de l'histoire culturelle française. Mais comment en est-on arrivé là ? Comme pour toute dramaturgie réussie, il faut un bon scénario et surtout une bonne préparation. Alors revenons quelques mois en arrière, à Paris. En février, soit 5 mois avant l'ouverture du Festival d'Avignon, la rumeur se confirme. Le régime d'assurance chômage spécifique aux intermittents du spectacle est menacé. Ce système particulier, symbole de l'exception culturelle française, fait vivre plus de 100 000 artistes et techniciens, que ce soit dans le monde du cinéma ou du spectacle. Il leur permet d'être indemnisés en dehors des courtes périodes de tournage ou de spectacle, car le temps de la création, lui, n'est pas ou peu rémunéré. Le régime des intermittents vient combler cette lacune, justement. Son déficit, oui, c'est un vieux serpent de mer, mais cette fois, le gouvernement de droite, dirigé par Jean-Pierre Raffarin, semble bien décidé à s'y attaquer. Ce régime des intermittents coûterait plus de 700 millions d'euros à la collectivité. Un rapport commandé par Jean-Jacques Ayalgon, alors ministre de la Culture, fait craindre le pire. Il y a beaucoup question des abus réalisés par le secteur de l'audiovisuel. Des boîtes de production aussi sont accusées de profiter du système. Tout le monde s'accorde sur ce point. En revanche, une proposition en particulier fait hurler la CGT. Les électriciens du cinéma ou encore les machinistes du théâtre quitteraient le secteur de l'intermittence pour rejoindre celui du bâtiment. Mais le contenu reste encore assez flou et pour le moment impossible de savoir précisément sur quoi porteront les négociations. Or, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, dit-on. En tout cas, les syndicats d'artistes craignent de se faire imposer de nouvelles mesures restrictives. Et cette fois, c'en est trop. Alors, ils décident de réagir. Premier acte, première prise de parole en direct à la télé le 15 février aux Victoires de la Musique. Deuxième acte, une semaine plus tard, au César, la grand-messe du cinéma français. Les intermittents reçoivent un soutien inattendu, celui d'une jeune actrice belge. Donc le César du meilleur jeune espoir féminin est attribué à Cécile de France. Dans l'auberge espagnole. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ayagon, si vous regardez la télé ce soir, je voulais vous dire un truc. Vous savez, en Belgique, les acteurs, les artistes, ils n'ont pas de statut. Et quand moi, je suis arrivée en France, j'ai découvert l'intermittence. Et je me suis dit, ben, la Belgique, ils sont restés un peu bloqués au Moyen-Âge. Donc ce que vous voulez faire, là, c'est comme si vous faisiez marche arrière. Donc je sais pas, moi, je pensais que... Je pensais que la France avait compris qu'il fallait prendre soin de ses artistes pour l'hygiène, juste, hein, du pays. Donc voilà, donc pourquoi pas ceux qui galèrent, quoi. Merci beaucoup, merci. Quel culot, la jeune Cécile de France qui interpelle le ministre de la Culture devant des millions de téléspectateurs. Jean-Jacques Ayagon est assis confortablement dans la salle, il ne bronche pas. Mais le ton est donné. Toucher au régime de l'intermittence, c'est toucher au plus précaire, mais c'est aussi prendre le risque de mobiliser les stars. Bon, elles n'en ont plus besoin, elles, mais leurs collègues de plateau, oui, alors, la solidarité s'impose. Mais le gouvernement ne prête pas attention à ces mises en garde. Il fixe l'agenda des mois à venir. L'UNEDIC, chargé de la gestion de l'assurance chômage, et les partenaires sociaux vont devoir trouver un nouvel accord sur le régime des intermittents du spectacle avant le 30 juin, juste avant le début des grands festivals d'été. Bon, de là à dire que c'est un moyen de mettre la pression sur les syndicats, il n'y a qu'un pas que la CGT, Force ouvrière, franchisse allègrement. Dès à présent donc, il faut se mobiliser. Le 25 février, la grève générale dans toute la France. Les guichets des salles de spectacle restent fermés. Les artistes sont dans la rue. À Paris, ils sont plus de 15 000 à manifester. Et dans le cortège, un seul mot d'ordre, la culture ne se soumettra pas à la logique du marché. C'est grâce à vous, à nous, que cette journée historique a lieu. C'est ensemble que nous dénonçons ce mépris qui nous est jeté à la figure. Comme quoi, il y aurait trop d'artistes dans notre pays et trop de techniciens et que nous coûtons trop cher à la collectivité nationale. France, c'est ta culture qu'on veut assassiner. Pas de bombe sur la culture. De la place et un avenir pour la création artistique, sa production et sa diffusion. Le ministre de la Culture est considéré comme le principal responsable. Ayagon, sous la tutelle du MEDEF, Ayagon nous a laissé tomber. Ayagon, la culture n'a pas de prix, peut-on lire sur les pancartes. On aperçoit ici et là des visages connus, mais le plus gros des troupes est constitué d'invisibles. Ceux qui travaillent dans l'ombre, les techniciens, les ouvriers du spectacle et les artistes de petites compagnies. Car ce sont eux qui bénéficient de ce régime, et ce sont eux qui ont tout à perdre. Autre question centrale soulevée par la manifestation, quelle place pour la culture dans notre société à l'heure où déjà il faut faire des économies sur tout? Eh oui, au début de cette année 2003, la France vient d'être rappelée à l'ordre par la Commission européenne. Le déficit dépasse les 3% du PIB. Le président de la République, Jacques Chirac, le promet, il n'y aura pas de rigueur, mais il faudra bien réduire la voilure. Dans le cortège, Geneviève, costumière depuis une quinzaine d'années, résume les interrogations politiques du moment au micro de France Culture. On est quoi? On est 100 000 intermittents au grand maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une crotte de nez, c'est 3 cacahuètes et demi dans la société française. Mais effectivement, les discours qu'on entend aujourd'hui sont des discours de rentabilité. Vous coûtez trop cher, donc dehors. Et qu'il n'y a rien du côté de l'État qui est dit aujourd'hui sur la préservation d'un endroit où effectivement la rentabilité n'est pas le lieu. Et comment effectivement permettre à tous ces gens-là qui participent à la création artistique, de vivre, et de vivre de leur métier. Prouver qu'on peut encore exister au sein de cette société. C'est ça qui nous tue quelque part au bout d'un moment. C'est cette fatigue-là qui est la pire. Le monde artistique se crispe, mais la crise n'a pas encore vraiment commencé. Une fois l'hiver passé d'ailleurs, la tension retombe. La manifestation du 25 février était une mise en garde de plus, un signal envoyé au gouvernement. Oh, il y a bien ici et là quelques coups de force, comme au printemps de Bourges. Le festival de musique, pour autant, n'est pas annulé, mais les intermittents continuent de se faire entendre. Au mois de mai, nouvelle intervention lors de la cérémonie des Molières au Théâtre Mogador à Paris. Mais on est encore loin des gros titres à venir. Car pour cela, il faut un élément déclencheur, et il est sur le point de se produire. À partir du 3 juin 2003, l'UNEDIC et les partenaires sociaux se retrouvent autour de la table des négociations. Il reste un mois pour se mettre d'accord. Désormais, on connaît les grandes lignes du texte. Auparavant, pour profiter du régime d'assurance chômage des intermittents, il fallait travailler 507 heures, soit 3 mois et demi en un an pour bénéficier d'une année d'indemnité. Avec le nouveau système proposé, il faudra comptabiliser autant d'heures, mais sur une période réduite. 10 mois pour les artistes, 10 mois et demi pour les techniciens. Surtout, l'indemnisation ne durera plus que 8 mois. Bref, une épée de Damoclès pour tous ceux qui peinaient déjà à réaliser leur quota d'heures en un an, à savoir les plus précaires. Dans la nuit du 26 au 27 juin 2003, au siège de l'UNEDIC à Paris, Jean Voirin, le secrétaire général de la CGT intermittent, crie au scandale. Après de nombreuses heures de négociations, l'accord est finalement signé par 3 syndicats sur 5. 3 syndicats qui ne représentent que 10% des intermittents. La CGT, majoritaire et FO, refuse de paraffer le texte qui pénalise les plus fragiles. Pour sa part, Jean-Jacques Ayagon salue cette avancée qui sauve le régime des intermittents du spectacle. Au petit matin, artistes et techniciens de toute la France se réveillent avec la gueule de bois. Le mal est fait. L'accord trouvé pendant la nuit déclenche les hostilités. Au festival Montpellier Danse, les intermittents se mettent spontanément en grève. Les représentations du jour sont annulées. À Caen, un collectif d'artistes occupe le Théâtre National. Les CRS interviennent, mais les militants tiennent bon. La grogne prend de l'ampleur, on le sent, on le sait. Le lendemain, spectacle annulé au prestigieux Théâtre de la Ville de Paris. La salle est occupée par plusieurs dizaines d'intermittents en colère. Ils sont dégagés manu militari par les forces de l'ordre, mais ils rejoignent immédiatement une autre occupation à la grande halle de la Villette. Dans la manifestation, le cinéaste Christian Ploff et le chanteur Sanseverino se font les porte-voix des plus petits. Aujourd'hui en France, c'est le MEDEF qui décide. Le MEDEF a liquidé ce régime. Une grande part des gens qui travaillent vont être exclus de cette protection sociale minimum. On nous décrit comme des privilégiés. Nous sommes dans la survie depuis des années. Ceux qui travaillent déjà pas beaucoup, eux c'est sûr, ils vont dégager, ils vont changer de métier. Ce qui va se passer maintenant avec les gens qui travaillent dans le spectacle, c'est qu'on n'aura plus le temps de faire le métier qu'on aime parce qu'on sera occupé à faire d'autres boulots pour gagner notre vie. À la halle de la Villette, ils sont expulsés une nouvelle fois par les CRS. Qu'à cela ne tienne, direction le théâtre du Châtelet. Dans la salle, la chorégraphe allemande Pina Bausch est en train de répéter avec ses danseurs avant le spectacle du soir. Scène surprenante de ces intermittents français tentant d'expliquer la raison de leur lutte à l'une des plus grandes danseuses contemporaines. Son spectacle est annulé et les coups de force se multiplient dans tout le pays. La crise des intermittents passe au premier plan, à la une. Tous attendent désormais une réaction de leur ministre de tutelle, Jean-Jacques Ayagon. Le 30 juin, celui-ci sort de son silence sur le plateau du 20h de France 2. Mais il est rapidement pris à partie par la comédienne Agnès Jaoui, brillante et cérébrale, comme d'habitude, sincère défenseur des artistes en lutte. Monsieur Ayagon, je pense qu'on a lu vos propositions. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a effectivement des réformes à faire, et ça, là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, vous vous attaquez aux plus faibles et aux plus défavorisés de ce métier. Aux gens qui déjà survivent avec 5000 francs, 6000 francs par mois. Je les connais, ces gens-là. C'est mes amis, c'est des gens avec qui je travaille, des techniciens, des acteurs, et qui font ce métier par passion, ils ne se plaignent pas. Mais si vous leur enlevez ça, ils ne vivent plus. Et c'est les films qui font la richesse de notre pays, les spectacles de danse, qui là aussi sont de beaux spectacles qu'on peut créer grâce à ça. Tout d'abord, je répondrai à Agnès Jaoui que je ne m'attaque à personne. Mais je vous l'assure, les accords qui ont été signés comportent de nombreuses avancées. Mais quelles avancées? Les gens devront faire plus d'heures en moins de temps et seront payés moins cher, auront moins d'argent pour survivre. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre de quelles avancées vous parlez. Jean-Jacques Ayagon persiste et signe « On ne reviendra pas sur les nouvelles règles du régime de l'intermittence ». Alors, le fossé se creuse entre les deux parties et les intermittents promettent un été très chaud. Ça tombe bien, les plus grands festivals vont bientôt commencer avec en point d'orgue celui d'Avignon. Le premier spectacle doit avoir lieu dans la cour d'honneur le soir du 8 juillet, mais rien n'est prêt et pour cause, les techniciens ont cessé de travailler depuis la signature de l'accord. Une semaine avant son ouverture, le plus grand festival de théâtre au monde n'a jamais été autant menacé. Together. En ce début de mois de juillet 2003, le doute plane sur l'ensemble des grands festivals à venir. Il y a celui de l'art lyrique à Aix-en-Provence, il y a les Francopholies à La Rochelle, mais surtout, et répétons-le, il y a Avignon, le festival des intermittents par excellence. Plus de 600 compagnies ayant souvent investi toutes leurs économies débarquent dans la Cité des Papes. Depuis 3 jours, les techniciens du festival sont en grève. Mais le mouvement est rapidement suspendu jusqu'au 8 juillet, date du premier spectacle. L'équipe organisatrice souhaite livrer un festival en état de marche le jour J. Cela lui laisse une semaine de préparation. Tout le monde se remet donc au travail, même s'il faut bien le dire, le cœur n'y est pas. Du reste, il plane une étrange atmosphère à Avignon. Les touristes sirotent tranquillement leurs boissons sous les parasols, les commerçants, eux, font comme si de rien n'était. Mais l'angoisse est bien là. Chaque jour, à midi, des manifestants vêtus de noir s'allongent les uns à côté des autres sur le bitume de la place de l'horloge. S'en dégage un silence pesant. L'image de ce cimetière de comédiens fait froid dans le dos. Et si le festival venait à être annulé? Ce serait une véritable catastrophe économique pour tous ceux qui travaillent ici. Imaginez, pour les commerçants, ce sont 130 000 spectateurs qui ne consomment plus. Et puis surtout, pour les artistes, le festival, c'est l'occasion d'être repéré par un théâtre à la recherche d'une pièce à la rentrée ou plus tard. C'est ça, Avignon. Mais ce n'est pas gratuit. Une petite compagnie investit en moyenne 24 000 euros pour se produire au festival, dont une bonne partie va dans les poches de propriétaires de lieux, comme on dit. Un lieu de représentation, parfois un garage qu'on loue et qui grève le budget. Mais les compagnies y vont quand même, parce que c'est Avignon, parce que jouer là-bas, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, est une expérience extraordinaire. Et puis, les 3 semaines de représentation permettent aux artistes et techniciens de cumuler la moitié des fameuses 507 heures nécessaires pour prétendre au régime de l'intermittence. Bref, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, un rendez-vous vital. Le 2 juillet, sur France Inter, Ariane Louchkin et la charismatique directrice du Théâtre du Soleil se positionnent. Elle veut que le festival se maintienne, malgré la tension. Mais à 6 jours du début, elle ne cache pas ses craintes. Je pense qu'on risque de commettre beaucoup, beaucoup d'erreurs dans une lutte qui, elle, par contre, est tout à fait légitime. Je ne comprends pas que devant vraiment un espèce de suicide collectif qui risque de se passer cet été, comment peut-on imaginer, comment peut-on comprendre un tel silence de la part du gouvernement ? Un suicide collectif. Ariane Louchkin ne mâche pas ses mots. Alors, jouera, jouera pas? Les artistes et les techniciens sont terriblement divisés. Divisés entre le camp de ceux pour qui l'annulation est la seule manière de faire plier le gouvernement et ceux qui doivent jouer pour survivre. Entre les nantis pleins de bonne conscience militante et les sans-grades fauchés qui ont besoin de jouer, écrit l'envoyé spécial de Télérama. Mais la situation n'est pas aussi manichéenne. De son côté, la maire UMP d'Avignon, Marie-Josée Rouague, met la pression. Le festival doit avoir lieu, sinon la ville perdra des millions d'euros. Le directeur de la manifestation, Bernard Fèvre-Darcier, gère la crise comme il peut. Mais il s'est fixé une ligne rouge. Il est hors de question que les spectacles se jouent sous surveillance policière. Car la ville vit au rythme des rumeurs. On annonce la venue des gros bras de la CGT pour bousculer l'organisation du festival. Certains artistes du off, n'ayant d'autre choix que de jouer, sont l'objet de menaces du genre « Si on vous joue, on cassera vos projecteurs ». Alors, que faire? Eh bien, parler, s'exprimer. Des assemblées générales sont organisées pour que chacun puisse prendre la parole. Les intervenants se succèdent au micro, les débats sont très animés, le clivage est profond. Ça fait 3 ans qu'on ne nous entend pas, qu'on informe le public, que de manière ludique, intelligente, nouvelle à chaque fois. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, la culture a un poids économique et que la seule méthode pour nous faire entendre, la preuve aujourd'hui, c'est de faire la grève des spectacles. Tous les festivals annulent pour éviter des problèmes. Et ce qu'il faut, c'est que ces festivals existent pour qu'on puisse s'exprimer. Si le festival d'Avignon et d'autres festivals n'ont pas lieu, c'est simplement la mort de ces compagnies. Moi, si les spectateurs ne sont pas présents, c'est la mort de la compagnie et par conséquent, de salariés de la compagnie. Moi, je suis étonné de ce qui se passe entre samedi, où je suis parti de l'AG un peu désespéré, et ce matin où je vois que tout est en mouvement. Il s'est passé en 2 jours extrêmement de choses et je me dis c'est parce que d'un coup, le tissu économique est touché. Alors continuons à mettre la pression en sachant qu'effectivement c'est dramatique pour 600 compagnies et dans un an, ça sera dramatique pour 5000 compagnies. L'image renvoyée dans toute la France est celle d'artistes et de techniciens plus divisés que jamais. Pourtant, pour être plus crédible, il faudrait faire front commun. Mais plus les jours passent et plus la tension monte. À l'heure qu'il est, personne ne peut dire si le festival aura lieu ou pas. Et toujours cette représentation macabre du cimetière des comédiens, place de l'horloge. Arrive le 7 juillet, la veille du tout premier spectacle, avec un signal de très mauvais augure. À plusieurs centaines de kilomètres d'Avignon, une terrible nouvelle vient de tomber. Sous la pression, Jean-Louis Foulquier, le directeur emblématique des Francofolies de La Rochelle, jette l'éponge. La crise des intermittents vient de faire une nouvelle victime. Sa première déclaration est sans appel. Syndicats et gouvernement sont renvoyés dos à dos. Je regrette que les gens de la CGT, représentants des non-syndiqués, étaient aussi bas, aussi vils, aussi lâches et sans parole. Je regrette que le baron Machin soit aussi dédaigneux et méprisant vis-à-vis des saltimbanques et que les représentants syndicaux manquent de raison. La nouvelle tombe au pire moment. Le Festival d'Avignon doit commencer officiellement le lendemain. Les Francofolies seront-elles le premier domino qui emportera tous les autres dans sa chute ? À 19h, plusieurs centaines de personnes s'amassent devant les murs d'enceinte du Palais des Papes. Ils sont artistes, techniciens, permanents du festival. Après de longues heures de débat, tard dans la nuit, la grève reconductible est votée à une large majorité. L'ouverture du festival est repoussée. Le lendemain soir, on remet ça. L'Assemblée Générale se réunit maintenant dans le gymnase Aubanel, un lieu qui a au moins l'avantage d'être équipé de la clim. Une fois encore, la grève est reconduite. Attristé, Ariane Mouchkine sort avant la fin. Il est 1h du matin et à l'extérieur du gymnase, certains dansent et chantent. Oui, ils sont heureux de bousculer les événements, de prendre part à quelque chose d'historique, une sorte de catharsis. Au coin de la rue, Bartabas, le fondateur du théâtre Zingaro, observe la scène, écœuré. Même s'il s'oppose au nouveau régime des intermittents, lui veut jouer, jouer à tout prix. Et en conférence de presse, il laisse éclater sa colère. Je suis assez remonté sur certaines attitudes de certains artistes qui ont tendance à considérer le public comme de la merde, il faut le dire, et de les prendre en otage. 22 000 personnes se sont donné la peine d'acheter des billets au Festival d'Avignon pour le théâtre Zingaro. Et ça, pour nous, c'est sacré. J'estime avoir mérité depuis 30 ans le fait d'envoyer chier des gens qui sont des ouvriers du divertissement, que ce soit à la télé, que ce soit dans les variétés, et je ne m'assimile absolument pas à eux. Et j'envoie chier tous les gens de la CGT qui voudraient essayer de me donner des ordres ou me cataloguer dans un certain truc. Je n'ai pas eu besoin d'eux pour construire Zingaro, et aucun artiste de Zingaro n'a eu besoin d'eux, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Avignon est devenu le carrefour des rancœurs et des ras-le-bols. La situation est incontrôlable. Ailleurs, la liste des festivals annulés s'allonge. Rennes, Pau, Albi, Agen, Tours. Les dominos tombent, les uns après les autres. Arrive alors cette date fatidique du 10 juillet. Cela fait 3 jours que l'Assemblée Générale vote la grève dans un climat de plus en plus tendu. Sous la pression et par crainte des débordements, Bernard Fèvre-Darcier décide de trancher. Il est un peu plus de midi quand le directeur du festival prend la parole dans le cloître Saint-Louis, Avignon 2003. N'aura pas lieu. Bernard Fèvre-Darcier sort sous les applaudissements. 2 représentants de la CGT montent à leur tour sur l'estrade et tentent de se faire entendre au micro. Mais voilà qu'ils sont hués par la foule. « Dehors » crie-t-elle, désespérée. Accusé d'avoir sabordé le festival, Michel Vautrin, le représentant de la CGT Spectacle, improvise alors une conférence de presse sur le trottoir, à l'extérieur du cloître Saint-Louis. Les pyromanes, ils ne sont pas en Avignon. Les pyromanes, ils sont actuellement au MEDEF et au gouvernement. Nous sommes atterrés, atterrés par la position d'un gouvernement qui, quel qu'il soit, je le dis bien, n'a pas été dans la mesure de percevoir que là, il y avait une responsabilité publique majeure et qu'il fallait savoir effectivement négocier. Scène ubuesque qu'Ariane Mouchkine a bien du mal à croire. Elle prend conscience de la tragédie qui vient de se jouer, elle qui aura tout tenté pour que les artistes restent unis, elle qui aura tout tenté pour jouer, malgré tout. De Guerlasse, la directrice de la Troupe du Soleil, s'avoue vaincue. Ça va laisser des traces, hein. Ça va laisser des traces entre nous. Dès que quelqu'un disait « non, je ne suis pas tout à fait d'accord », c'était l'ennemi, c'était le traître, le collabo, c'était pas démocratique du tout. Donc voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui pensaient « jouons et passons la nuit à débattre avec le public ». J'admets tout à fait qu'on a perdu. terrible aveu d'impuissance partagé par de nombreux artistes. Pourtant, c'est bien la grève qui l'a emporté. Tous les spectacles du Hin sont annulés. Du côté du Off, c'est plus flou. Dans les jours qui suivent, de nombreuses petites compagnies décident de maintenir leur représentation coûte que coûte. L'enjeu économique est bien trop grand. Le problème, c'est qu'une partie du public, déçu, se fait rembourser ses billets, quitte la Cité des Papes. D'autres font le choix de rester. Alors, on continue de débattre, on essaie de comprendre ce qui vient de se passer. On prépare surtout l'après. Le public, parlons-en, tiens, a-t-il été oublié dans cette crise? L'annulation du festival était-elle l'unique manière de mettre la pression sur le gouvernement? Cette question fait craindre le pire pour l'année suivante. La Chambre de commerce du Vaucluse demande au gouvernement un plan d'aide d'urgence. Alors, ce sont des millions d'euros qui viennent de partir en fumée. Pas sûr que tout le monde s'en sorte. Et le festival? On parle de 2,5 millions d'euros de pertes. Les grévistes répondent, c'est un énorme gâchis, certes, mais un gâchis nécessaire. Le 14 juillet, jour de la fête nationale, on manifeste une fois de plus dans les rues d'Avignon. La tension est retombée, le mouvement n'a plus la même ampleur. À Paris, le dossier est encore suivi de près. Dans le journal Libération, 650 artistes et créateurs s'associent dans une lettre ouverte adressée au président de la République. Ils dénoncent le nouveau régime de l'intermittence, qu'ils qualifient de défaite pour la culture. Dans son allocution annuelle, face à Patrick Poivre d'Arvor et David Pujadas, Jacques Chirac se montre ferme. Le gouvernement ne reviendra pas sur l'accord signé fin juin. Nous sommes là sur un sujet qui a touché à juste titre beaucoup de Français. Et je ne parle pas seulement de l'épouvantable gâchis artistique, humain et économique auquel on a assisté avec les festivals, naturellement. Il y avait un déficit considérable. Un déficit payé par qui? Par les cotisations des salariés et des entreprises, c'est-à-dire l'argent des salariés versé à l'UNEDIC. Et il était tout de même légitime que les organisations syndicales en charge de la responsabilité de l'UNEDIC assument cette responsabilité et disent « ça ne peut plus continuer ». Ils l'ont fait, pour certaines organisations, avec un sens particulier de la responsabilité. Tout juste annonce-t-il un système d'aide à la création dans les mois à venir et le renforcement de la traque aux entreprises de l'audiovisuel qui profitent du régime des intermittents. À Avignon, on a sorti les télés sur les terrasses de café. Ceux qui restent suivent en direct les propos du président. Mais celui qui se présentait comme le chantre de l'exception culturelle française ne convainc plus personne. La rupture est consommée. Le Festival d'Avignon se terminera donc comme il a commencé, entre tristesse et fierté d'avoir participé à un événement historique. Mais son annulation n'aura finalement rien changé. Était-ce pour autant un coup d'épée dans l'eau? Non. Car cette crise a eu le mérite de mettre la culture au cœur des débats, à croire qu'il faut toujours un drame pour s'en préoccuper. City of stars, are you shining just for me? Of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling, a rat tap tap of my heart. Think I want it to stay. star, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le conflit des intermittents du spectacle en 2003 avec notre invité Éric Lacascade. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien et metteur en scène. En 2003, vous deviez présenter un Tchekhov dans la cour d'honneur du Palais des Papes en cette année 2003. Alors, ces cours d'honneur, c'est effectivement un honneur pour les artistes qui ont la chance d'y jouer. Ça s'appelle comme ça pour ça, peut-être, je sais pas. Mais ça pourrait s'appeler comme ça pour ça. Et si je vous pose la question comme de cette façon, c'est d'abord pour essayer de récolter votre souvenir, le souvenir de cette année-là, comme ça, sans hiérarchie de pensée. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Il me vient à l'esprit, comme vous l'avez dit, que nous, on est avec Platonov, qui est un spectacle programmé dans la cour, qui a été créé en 2002 dans la cour, et événement exceptionnel est reprogrammé l'année suivante, à nouveau dans la cour d'honneur, fait unique dans l'histoire du Festival d'Avignon. On est sur la route en février quand arrivent les informations. On a commencé à soulever cette question. On dit qu'il va y avoir problème. Donc on sensibilise le public pendant, parce qu'on joue Platonov, donc on rencontre énormément de monde. On joue une centaine de fois entre septembre et on arrive en juillet au Festival d'Avignon avec cette nouvelle terrible. Moi je suis à l'étranger à ce moment-là. On a déjà répété dans la cour parce qu'on répète au mois de juin dans la cour, milieu juin. On répète parce qu'on va jouer dans la deuxième partie du Festival d'Avignon dans la cour à partir du 18 juillet. Et je pars un tout petit peu à l'étranger, et j'ai cette nouvelle, et les comédiens m'appellent, le téléphone commence à circuler énormément. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait réfléchi, il faut qu'on soit en ordre de marche pour apporter une riposte au gouvernement. Donc je me souviens d'un moment extrêmement puissant. Vous savez, la montée d'adrénaline de la création, de la rencontre avec le public, Avignon, la cour d'honneur, qui se mélange avec cet engagement dans la création qui se mêle à un engagement politique, comme le réel qui vient frapper à la porte du théâtre, qui pourtant est une scène de réel, et tout d'un coup, et puissamment, la défense d'un statut social se confond avec la défense d'un certain type de théâtre. Tout d'un coup, on fait le lien avec notre statut social d'intermittent et une façon de faire le théâtre. Les deux se confondent. Jusque-là, même le mot intermittent n'était pas très connu, on ne faisait pas le lien entre les... Nous, c'est vrai qu'à Avignon, cette année-là, ça surgit. On disait souvent, comédien, c'est quoi ton métier? Il disait intermittent du spectacle. On disait, mais c'est pas un statut, c'est un métier. C'est un statut, c'est pas un métier. Mais c'était intermittent du spectacle. Et vous avez raison de dire que c'est arrivé au début du festival à un moment très particulier pour toutes les troupes. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui monte, qui est très très fort à ce moment-là. Est-ce qu'on a assez de lucidité dans cette fièvre-là pour prendre une décision qui est une décision politique, qui était la vraie décision à prendre? C'était soit on continue à jouer, soit on arrête de jouer. Avec les avantages et les inconvénients de chaque décision. À ce moment-là, on est dans soit on prend le train de l'histoire, soit on reste sur le quai. C'est-à-dire l'époque fait goulot, on a suffisamment discuté, fait des manifestations, réfléchi, analysé le protocole, attendant des réponses du gouvernement, elles ne viennent pas. La grève est un moyen violent, parmi d'autres, d'obtenir satisfaction. Et je pense que si ça n'avait pas eu lieu, si on s'était contenté de lire des textes et de jouer après, il y aurait beaucoup moins d'intermittents aujourd'hui, voire le statut serait plus là. Donc ce moment, effectivement, je pense pas qu'il ait été un coup d'épée dans l'eau. Je pense que ça a prouvé que ça pouvait arriver. Le Festival d'Avignon peut être annulé. Et quand en 2014... Valls fait son plan d'urgence après le début d'annulation du Printemps des Comédiens. Je pense qu'il pense à Avignon et je pense qu'il sait que ça peut avoir lieu. Donc le Festival d'Avignon en grève marque l'histoire et les gouvernants, voilà, fonctionnant de manière un peu puérile à la carotte et au bâton, savent qu'ils peuvent prendre des coups de bâton à cet endroit-là. Vous êtes metteur en scène à ce moment-là, sur le plateau d'offre, vous mettez en scène, vous êtes comédien également ? Oui. D'accord. Mais en tant que metteur en scène, vous avez une autorité naturelle et légitime hein, sur, enfin, auprès des comédiens. Donc vous sentez une responsabilité encore plus forte parce que vous êtes metteur en scène et que, par réflexe peut-être, on va vous suivre. Je me sens dans une pratique collective, qui est la pratique de travail de nos spectacles, en discussion permanente, les uns avec les autres, et donc la parole circule librement, et encore une fois, elle circule depuis 6 mois, 8 mois, donc on est, comme on dit, on est chaud sur la lutte. Et moi j'ai une parole parmi les autres, et non, ni plus ni moins, j'ai pas un rôle de leader, mais effectivement, je porte ma création et le fait de décider la grève, ouais. Non pas l'annulation, parce que l'annulation aussi nous prend au dépourvu. C'est-à-dire que si la grève, c'est un moyen de pression. Et donc, si tous les jours, pendant 20 jours, on remettait sur l'établi le mot d'ordre de grève, les débats continuaient, les discussions continuaient, la pression sur le gouvernement continuait. L'annulation que provoque Bernard Fèvre-Darcy à cette époque-là, si vous voulez, on le vit un peu comme une défaite, on nous démonte l'usine, quoi. On enlève les machines et on se retrouve, nous, là, avec plus rien. Et le public s'en va, et les professionnels s'en vont, alors que là, tout d'un coup, il y avait un rassemblement, toute la profession venait à Avignon pour discuter, pour débattre, et je pense que le système institutionnel du théâtre public aujourd'hui, qui n'est pas au mieux de sa forme, aurait été différent. On aurait peut-être parlé de refondation, parce qu'en 68, vous avez évoqué la chose, les débats continuaient, le festival n'était pas annulé, et ça, voilà, ça a créé cette ébullition qu'on a connue. Là, l'annulation nous coupe l'herbe sous le pied. Alors, à la fois, on le vit comme une défaite, mais comme je viens de vous le dire, dans les années qui suivront, ce sera un acte traumatique dont les politiques se souviendront, et tant mieux. Vous dites, on annule le festival, oui, on annule le IN, parce que le OFF enfin, continue tant bien que mal, hein, quelques compagnies jouent encore, et là, il y a des débats. Quasiment tous les jours, donc cette fonction d'agora d'Avignon pendant cette grève, elle continue quand même avec le. Vous êtes resté quelques jours à Avignon, vous avez... Oui, moi j'y suis resté quasiment pendant toute la durée de. Mais voilà, vous avez le souvenir de ces débats sur les places publiques, sur la place des Carmes, la place des Corsins, ça discutait, il y avait quelque chose. Absolument, et puis c'est une situation, vous savez, le théâtre français est très différent suivant les endroits dans lesquels on est, entre les techniciens, entre les jeunes compagnies qui démarrent, entre les artistes plus confirmés comme moi, entre les directeurs de centres dramatiques, entre les directeurs de scène nationale, tout ça c'est des intérêts qui sont pas nécessairement convergents. Donc se mettre d'accord sur quel est notre intérêt commun, déjà c'est très difficile, et le moyen de lutte, comme vous l'avez dit, c'est très différent pour une compagnie qui a tout investi dans le off et qui doit plier bagage, à la différence de compagnies dans le IN qui, elles, sont payées par le festival pour jouer. Mais dans le IN, il y a aussi une différence entre les gens, par exemple, je me souviens des gens qui étaient venus de l'étranger pour jouer et qui ne comprenaient absolument rien à ce qui se passait. Donc ça crée des situations très différentes les unes des autres. Et s'entendre autour de ça, dans ce milieu, qui par ailleurs est quand même assez conservateur, puisqu'on défend nos droits acquis et on se bat toujours pour être à la table, pour partager le gâteau. Donc c'est pas non plus un secteur qui innove énormément dans le social et dans l'avancée politique de comment se structurer aujourd'hui, comment produire, comment créer, voilà. Donc c'est un secteur très particulier, le théâtre. Et effectivement, je me souviens d'antagonismes profonds et de niveaux de discussion très divers. Mais en même temps, ouais, l'impression de participer à un moment historique. Quel regard vous avez porté sur l'action de la CGT, de son leader Michel Vautrin ? Parce que dans une action sociale, il faut toujours aussi une incarnation, hein, une incarnation humaine, un visage. Moi, j'ai l'impression que le visage, c'était celui des intermittents de manière globale et générale. Ces gens qui n'avaient pas la parole d'habitude, ces techniciens, ces acteurs, parce qu'on s'adresse aux metteurs en scène, ou on s'adresse aux auteurs. Ouais. On oublie souvent ce qui fait l'essentiel de la profession et ce qui fait la création. Donc, je me souviens de ces foules, je me souviens de ces débats, je me souviens des journalistes qui essayaient de se positionner, parce qu'on leur posait la question aussi, comment vous participez, vous, à notre lutte, vous qui êtes des journalistes de théâtre et qui rendez compte de l'événement, de quelle manière vous vous situez, est-ce que vous allez vous aussi faire quelque chose ou pas. Donc je me souviens de ce mouvement populaire, je dirais, et un public qui n'était pas nécessairement hostile et qui voulait comprendre, parce que c'est ça aussi notre problématique, c'est comment mêler le public, comment il se sent concerné par la culture, parce que bien évidemment, c'est lui qui est concerné, je dirais, au même titre que nous, en premier. La population, le public, la population, c'est nous aussi les artistes. Certains journalistes avaient trouvé une bonne façon de s'impliquer en animant des, gratuitement bien sûr, des débats sur la place publique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Si, voilà. Vous en étiez. On va écouter une voix que vous connaissez bien, c'est celle de Jean-Jacques Ayagon, donc le ministre de la Culture de l'époque, qui réagit à l'annulation du festival. Alors, évidemment, lui, il parle d'un énorme gâchis et de manipulation par les syndicats. C'est un terrible gâchis. Le public, les artistes, les techniciens, les villes qui accueillent ces festivals ont été réellement pris en otage à des fins de propagande politique et syndicale. C'est inadmissible. Certains syndicats ont eu un comportement irresponsable en jouant la politique du pire. Je crois également qu'ils ne sont pas conscients du fait qu'ils sont en train de ruiner le spectacle vivant, l'univers de la musique, les festivals eux-mêmes, et qu'à terme, c'est suicidaire pour l'emploi culturel, pour l'emploi dans ce secteur. Éric Lacascade, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement des intermittents? Alors devant, il y a les revendications légitimes, hein, c'est un statut qui est important, parce qu'il faut rappeler qu'entre deux créations, au théâtre par exemple, les répétitions ne sont pas toujours payées, il y a ces moments de latence, donc ils sont payés grâce à ce régime-là, donc ça c'est le côté concret. Bien sûr, qu'est-ce, qu'il, y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière tout cela? La place de la culture. C'est le débat de la culture. Enfin, j'entends les termes prise d'otage, propagande, gâchis, politique du pire, suicidaire. Enfin, c'est un tel mépris pour les techniciens, pour les artistes qui tous les jours participent à quoi? À la musique, à la danse, au théâtre, la littérature, les œuvres, la langue. C'est ça, c'est la culture. C'est la culture, c'est quoi? C'est la vie. C'est le réel. C'est ce qui nous constitue. Moi, je suis pas étonné que la culture soit absent du champ des politiques aujourd'hui. Quand je les vois tellement hors sol par rapport à la vie et au réel, je me dis, voilà, il y a une évidence que ce réel se faisant la malle dans les discours politiques, eh bien, la culture se fait la malle et qu'il y a cette désertion, comme on a déserté les problèmes quotidiens des gens, leurs désirs, leurs rêves, leurs envies. Ceux qui nous gouvernent sont pas ou ne veulent pas, ou ne se pensent pas, ou n'ont pas la vision d'aptitude à cette vie, à cette réalité quotidienne. Et par ailleurs, je me dis aussi, mon vieux fond libertaire reprenant le dessus, c'est que gouverner, c'est séparer. La culture, elle unit, c'est ça? La culture, c'est le soubassement. La culture, elle permet de percevoir le monde tel qu'il est, tel qu'il pourrait être. Et le pouvoir, je pense, préfère des êtres sans intériorité, libres de communiquer, certes, dans toute virtualité et sous contrôle total, plutôt que des êtres en toute puissance, animés par un désir d'être, de création, d'existence. La culture, oui, crée des êtres difficilement gouvernables. Donc ce serait presque un problème démocratique. Je pense que c'est un problème de société. Je pense qu'on traverse une société obscure. J'entends certains philosophes parler de décadence, d'autres parler de désastre. Je trouve que l'époque est sombre et que c'est un vrai signe que la culture ne soit pas comme elle devrait l'être aujourd'hui, dans cette période difficile, au cœur des débats, et que même les politiques ne demande pas, si par exemple vous avez un débat politique et qu'on ne parle pas de l'Europe à ces politiques, et ils poseront la question aux journalistes en disant vous ne m'avez pas parlé de l'Europe, quand même c'est étrange. Nulle part j'entends un politique qui dit vous ne m'avez pas parlé de culture, quand même. C'est ce qui s'est passé au dernier débat d'ailleurs. Voilà. Je crois que c'est passé par perte et profit. Perte et profit. Bon. Enfin, profit pour certains. Oui. Perte pour nous parce que le déficit culturel, à la différence d'un déficit économique, jamais ne se rattrape. Jamais. Ça met des siècles. Alors, je fais la synthèse de ce que vous avez dit, c'est clair. Pour vous, ce mouvement de grève n'était loin d'être un gâchis, il a porté ses fruits. C'est aussi grâce à lui peut-être oui. que le statut existe encore. Ariane Mnouchkine, elle, était sur une autre position, ce qui est son droit aussi. Elle disait « la crise va laisser des traces ». Comment vous avez réagi quand vous l'avez entendu tenir sa position? Parce que c'est une grande dame du théâtre, c'est une référence évidemment. Vous avez discuté avec elle? Vous avez eu des débats avec elle à ce moment-là? Assez peu. J'entends le plaisir, j'entends l'acte de création, j'entends le partage avec le public, j'entends cette envie d'être ensemble et que le théâtre est comment dire, que ce moment est un moment rare et Dieu sait que, je vous assure que le Platonov qu'on a travaillé pendant un an sur toutes les scènes de France, ce qu'on avait fait dans la cour d'honneur du Palais des Papes l'année d'avant, en 2002, et la nouvelle version qu'on en présentait en 2003, c'était une bombe atomique, le spectacle. Il était magnifique. Donc pour moi, je vous jure, ça a été un crève-cœur artistique, violence. Mais je pense qu'à certains moments, il n'y a pas d'autre alternative quand on est le dos au mur que d'aller vers une radicalité pensée et que cette radicalité-là, à ce moment-là, c'était la grève, un point c'est tout. Et vous n'avez jamais douté de cela? Non, j'ai jamais douté. 10 ans après, on peut tirer le constat qu'il fallait le faire, la preuve. Mais au moment où vous le faites, est-ce que vous doutez? Est-ce qu'il y a un débat intérieur, un conflit, presque une tempête à l'intérieur? Il y avait une tempête, mais c'était une tempête émotionnelle, c'était une tempête intellectuelle, c'était une tempête politique, où je me disais, on est en train de faire œuvre dans l'histoire du théâtre français, et que cette œuvre dans l'histoire du théâtre français passait avant mon œuvre personnelle. Toute dernière question sur cet épisode du Festival d'Avignon, je disais en chute, en conclusion du récit, que faut toujours qu'il y ait un drame pour qu'on se préoccupe de la culture. Vous rejoignez ce constat? Oui, ce que vous disiez effectivement est juste, et cette espèce de chose de moyen de pression, de puérilité du monde politique où il faut que tout d'un coup ça tape pour que ça se réveille. Mais faudrait pas. Est-ce qu'on vit dans une époque où ces questions de fossés et de prise de conscience du politique de ces fossés, est-ce qu'il faut à chaque fois, je le regrette, mais dans ce cas-là on va vers une société de tensions et de conflits violents, parce que si ceux qui nous gouvernent sont si ignorants du réel et de la vie, eh bien la confrontation sera violente à mon avis, et les artistes en seront partie prenante, parce que comme je vous le disais, les artistes c'est la population. Dites-moi, Éric Lacascade, après Tchekhov, Gorky, les bas-fonds, ça c'est votre, je vais pas dire votre actualité, mais c'est ce que vous faites en ce moment, Moment, oui. Donc Théâtre des Gémeaux à Sceaux, ça c'était de... Ça vient de se terminer. Ça vient de se terminer, mars et début avril, d'accord. Prochaine date à Montpellier du 8 au 10 juin, c'est ça? Printemps des comédiens. Parfait. Et puis il y a de nombreuses dates après... Après en tournée en France, entre octobre et janvier 2017-2018. Un mot sur ce spectacle, il nous reste 30 secondes, les bas-fonds... Formidable expérience, formidable aventure, voilà un grand théâtre, un grand spectacle avec 15 acteurs populaires et exigeants. Pas facile à monter dans notre époque, de trouver 15 acteurs, de pouvoir salarier et produire 15 acteurs pour jouer, mais ambitieux dans son idée du théâtre d'art, laboratoire de vie. Merci infiniment. Merci à vous. Cascade. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la grève des intermittents, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Dominici.